Ça faisait bien des années que tu traînais dans mon grenier. Et dis-moi, mon vieux, tu vieillis mieux que moi. Dans tous tes boutons nacrés, j'arrive à voir mon reflet. Regarde-moi, mon grand, j'ai des cheveux blancs, tu vois. Et tu sens mes mains qui tremblent, comme quand on devait ensemble entamer solo un nouveau tango, tu vois. Si mes souvenirs s'effacent, t'as toujours gardé ta place. J'oublie les accords et j'entends encore ta voix. Est-ce que c'est tes 8 kilos ou mes 40 ans de boulot qui ont tant arqué, qui ont tant marqué mon dos? Ou le poids de ces années m'a pas t'avoir fait chanter? Avec mon dos de mineur, je suis plus si majeur que ça, que toi. Aux disparus des balbuzettes, aux inconnus de la guinguette, s'il y a un paradis pour les enfants de frêle, j'emmènerai pardi mon piano à bretelles. 1, 2, 3, air de Java, pour s'il y a à l'au-delà, quelques âmes au comptoir du bistrot des amants, on comptera nos histoires sur des airs à trois temps. Dis-moi, tu sens la poussière, là-dedans t'as dû manquer d'air. Regarde-toi, mon vieux, tu respires mieux que moi. Dire que c'est bientôt mon tour d'aller dans une boîte en velours. Si on serre un peu, y a de la place pour deux, tu crois? Non, t'avais pas cru, j'espère que je ferme. D'abord, si tu chantes encore comme avant. Aux disparus des balbuzettes, aux inconnus de la guinguette, s'il y a un paradis pour les enfants de frêle, j'emmènerai pardi mon piano à bretelles. 1, 2, 3, air de Java, pour s'il y a à l'au-delà, quelques âmes au comptoir du bistrot des amants, on comptera nos histoires sur des airs à trois temps.